Retraite de méditation Vipassana 2020, centre d'Amarancy, dirigé par le vénérable Sayadaw Unanujota Bivamsa. Sayadaw va donner un enseignement portant sur les cinq facultés de contrôle et sur la façon dont il faut s'y prendre pour les développer au cours de la pratique de Vipassana. Les facultés de contrôle sont présentes dès le début de la pratique, mais elles sont faibles. Il va falloir les renforcer au cours de la pratique. Quelles sont ces facultés? Il y a tout d'abord Sadda, la confiance. Deuxièmement, l'effort ou énergie, Viriya. Troisièmement, Sati, l'attention. Quatrièmement, Samadhi, la concentration profonde. Et cinquièmement, Panya, la sagesse. Le méditant Vipassana devra s'efforcer de développer ces cinq facultés tout au long de son cheminement. Par ailleurs, il existe 9 causes de renforcement de ces 5 indriyas. La première de ces causes consiste à diriger son attention pendant la méditation vers l'aspect cessation des phénomènes. La deuxième cause pour le renforcement des indriyas consiste à diriger son attention vers l'aspect cessation des phénomènes de façon pénétrante et respectueuse. Ceci veut dire qu'au cours de la pratique, nous devrons réaliser par nous-mêmes que tous les dhammas que nous observons, tous les phénomènes physiques et mentaux, apparaissent pour disparaître instantanément. Pour voir cela, il faut observer de façon respectueuse et précise. La troisième cause pour le renforcement des indriyas consiste à observer de façon pénétrante et respectueuse, de façon à réaliser l'impermanence des phénomènes et de faire cela sans interruption. Il faudra réaliser la continuité de l'attention, ce qui veut dire observer à chaque instant de façon précise et pénétrante tout ce qui se manifeste en soi à chaque instant. Il ne faudra pas qu'il y ait d'interruption d'attention. Ces trois premières causes sont les plus importantes et c'est pourquoi Sayadaw va les expliquer plus en détail. Il faudra que dans un premier temps, le méditant comprenne que les dhammas qu'il observe sont tous impermanents. Il devra constamment se souvenir de cela. Les phénomènes n'en finissent pas d'apparaître et de disparaître. Ils ont tous cette même nature. Le méditant va ensuite observer attentivement et de façon pénétrante et sans discontinuer tous ces phénomènes qui apparaissent constamment à l'intérieur de lui et il verra directement par lui-même, dans son propre corps et son propre esprit, que ces phénomènes ne durent pas, qu'ils disparaissent à peine après être apparus. Dès le départ, le méditant comprend donc que les phénomènes sont impermanents. Il va ensuite observer de façon attentive, pénétrante et sans discontinuer tous ces phénomènes pour réaliser directement par lui-même cette disparition des phénomènes. Pratiquer de façon respectueuse, pénétrante, c'est la deuxième cause pour le renforcement des indriyas. Pour pouvoir pratiquer ainsi de façon pénétrante et attentive, le méditant doit comprendre les bénéfices qu'il est susceptible d'obtenir de cette pratique. La méditation vipassana amène beaucoup de bénéfices. Parmi ces bénéfices, il y a notamment la purification de l'esprit. Ceci veut dire que les kilesas, les pollutions mentales, vont disparaître de l'esprit. L'esprit va devenir très pur. Le bénéfice final, le bénéfice le plus important de cette pratique, c'est qu'elle va permettre aux méditants de réaliser Nibbana. Si le méditant connaît les bénéfices qu'amène cette pratique, s'il sait ce qu'il est en droit d'espérer de cette pratique, il sera encouragé à fournir cet effort et à être attentif de façon pénétrante. La deuxième cause pour le renforcement des indriyas implique également que le méditant devra ralentir son allure. Il ne devra pas se comporter comme il a l'habitude de le faire. Le méditant doit se comporter comme un invalide, de façon à pouvoir observer de façon précise tout ce qui se manifeste à lui à chaque instant. Plus il ralentit, plus il a des chances de progresser. En marchant lentement, vous deviendrez petit à petit capable de suivre tous les mouvements. Vous n'en raterez plus aucun. La prise de conscience et le mouvement vont se synchroniser. Le méditant doit se comporter comme un invalide. Un invalide se déplace lentement. Ceci est illustré dans les Écritures par l'image d'un homme qui doit traverser un ravin sur une étroite passerelle. Cette passerelle est très étroite et on ne peut poser qu'un seul pied à la fois, l'un devant l'autre. La personne devra être très prudente, très lente et très attentive. C'est de cette façon que le méditant vipassana doit pratiquer, de façon lente, composée et très attentive. On compare également l'attitude du méditant vipassana à quelqu'un qui devrait transporter un bol rempli à ras-bord d'huile. Pour y arriver, il devra marcher très lentement, en étant très attentif à ne pas perdre ne fût-ce qu'une seule goutte de cette huile. Il marche très lentement, en étant très attentif et en contrôlant tous ses mouvements. Si pendant la méditation vipassana, vous vous comportez ainsi et que vous contrôlez tous vos mouvements, vous pourrez rester dans l'instant présent. Tout ceci, c'est la deuxième cause pour le renforcement des indriyas. Il y a une autre histoire qui illustre le fait que si on ne ralentit pas son allure pendant la méditation vipassana, il est impossible de progresser. Il y avait un groupe de moines qui s'étaient rendus dans la forêt pour pratiquer, mais ils ne ralentissaient pas leur allure. Ils regardaient de tous côtés et s'autorisaient à être distraits. Il y avait beaucoup d'interruptions d'attention. En conséquence, ils ne progressaient pas. Si on veut progresser rapidement dans la méditation vipassana, il faudra donc éviter ce genre de comportement. Il faudra ralentir tous ses mouvements et être attentif. Essayez donc de vous comporter comme un invalide en marchant très lentement, comme un aveugle, quelqu'un qui ne voit pas, comme un sourd, même si vous avez de bonnes oreilles pour entendre. Et tout ceci fait partie de la deuxième cause pour le renforcement des indriyas. Si vous vous comportez ainsi et que vous ralentissez votre allure, vous réussirez à voir que les phénomènes apparaissent et disparaissent. Mais comprenez cependant qu'il y a des circonstances qui ne vous permettent pas de ralentir votre allure, comme lorsque vous traversez une rue, que vous roulez en voiture ou que vous aidez une personne qui est malade. Il sera parfois donc nécessaire que vous ne ralentissiez pas votre allure et que vous vous comportiez comme vous avez l'habitude de le faire. Mais lorsque vous êtes tout seul et que vous pratiquez Vipassana, ralentissez votre allure. Lorsque vous allez au réfectoire, par exemple, ne ralentissez pas trop. Lorsque vous devez vous déplacer à l'intérieur du réfectoire, qu'il y a du monde, ne ralentissez pas trop. Cela pourrait gêner les autres. Mais dès que les circonstances le permettent, ralentissez votre allure. Vous réussirez tôt ou tard à voir la nature des dhammas que vous observez, c'est-à-dire que vous verrez l'impermanence de ces dhammas. Si vous appliquez ces deux premières causes pour le renforcement des indriyas, il est certain que vous allez progresser dans votre pratique. Sayadaw espère que vous pourrez tous pratiquer de façon respectueuse et pénétrante. Il vous souhaite de réaliser la nature des dhammas. Puissiez-vous tous progresser et réaliser votre but. Practice in such a way to reach your goal.